Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le serment de Kingston ou la promesse de secours mutuel du Canada et des États-Unis en 1938. I give to you assurance. Je peux vous assurer que le peuple américain ne restera pas les bras croisés si le contrôle du sol canadien est menacé par un autre empire. Quand il prononce son discours le 18 août 1938 à Kingston, en Ontario, le président américain Franklin Delano Roosevelt pose les bases de la relation spéciale qui existera par la suite entre le Canada et les États-Unis sur le plan militaire, mais d'une certaine manière aussi sur le plan diplomatique. Cet engagement de Roosevelt à défendre militairement le Canada contre toute menace étrangère sera plus tard qualifié par certains de serment de Kingston. Cette interdépendance qui, en fait, est dictée par la géographie et qui, si elle est bien endossée, au fond, c'est la garantie de notre sécurité, d'abord à nous, les Canadiens, aussi bien que les Américains, puis aussi de notre fameux standard de vie, puis on est bien content de l'avoir. Cette interdépendance, pourtant, il y a des gens chez nous, parmi les plus qualifiés, puis les plus responsables aussi, à qui elle fait peur. Parce que du train où ça marche, il paraît qu'avant longtemps, elle pourrait se transformer en dépendance pure et simple, en dépendance du Canada à l'égard des Américains, c'est-à-dire en assujettissement de notre pays au point de vue économique, à tous les points de vue importants, si vous voulez, sauf au point de vue du drapeau et de la politique, mais à tous les autres points de vue, on serait assujetti complètement aux moindres volontés de nos voisins. Au point de vue militaire, ça a commencé il y a 20 ans, en 1938, tout simplement quand le président Roosevelt est venu en Ontario accepter un doctorat à la veille de la guerre et qu'il a dit « si le Canada est attaqué, les Américains ne resteront pas les bras croisés ». Et de là, ça s'est enchaîné avec la guerre, l'intimité pendant la guerre, et maintenant avec la guerre froide. Et au nord, comme on sait, il y a un voisin qui éventuellement pourrait devenir dangereux. Eh bien maintenant, vous avez des bases américaines en territoire canadien. Et en plus de ça, tout le territoire de l'Amérique du Nord est considéré, évidemment, au point de vue aérien, comme un seul ensemble défensif. On appelle ça NORAD, le commandement unifié nord-américain, qui évidemment est surtout un commandement américain d'abord avec participation canadienne. Et les avions, avec bombes atomiques ou bombes à hydrogène, se promènent continuellement au-dessus du territoire des deux pays et jusque dans l'Arctique. Extrait de l'émission « Point de mire » en 1958, René Lévesque y rappelle les origines de cette promesse d'assistance mutuelle sur le plan militaire entre le Canada et les États-Unis en 1938. René Lévesque évoque également dans cet extrait les craintes que soulève ce pacte entre les deux pays pour ce qui est d'une éventuelle perte de souveraineté du Canada dans cet exercice. Pour nous parler de cette relation particulière du Canada et des États-Unis sur le plan militaire, pour revenir aussi aux sources de cette manière de pacte, ce qui donnera le serment de Kingston, mon invité Stéphane Roussel, spécialiste des questions militaires et géopolitiques, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec à l'École nationale d'administration publique. Stéphane Roussel, bonjour. Bonjour. De quoi on parle? Parce qu'il n'existe pas formellement le serment de Kingston. De quoi on parle quand on parle de ce serment de Kingston? Essentiellement, il s'agit de deux déclarations, une de Franklin Roosevelt, du président Roosevelt, l'autre du premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King. Et dans ces deux déclarations, deux discours qu'ils font à deux jours d'intervalle, on pose les bases, la logique de la relation de défense entre le Canada et les États-Unis. C'est quelque chose d'inédit parce que jusqu'à présent, il n'y avait aucun déclaration ou engagement de cette nature-là. Donc, à partir de 1938, on voit le Canada qui, si vous voulez, quitte de plus en plus l'orbite britannique pour entrer dans l'orbite américaine. Parce que le Canada est indépendant depuis 31, depuis quelques années, mais c'est vrai qu'il y a un changement. C'est ça qui va définir toute la relation militaire, mais diplomatique entre le Canada et les États-Unis. Puis cet éloignement par rapport au Royaume-Uni, on devient plus nord-américain à ce moment-là. Tout à fait. Que dit précisément le président Roosevelt dans ce fameux discours, dans ce serment de Kingston? On écoute un extrait de son discours le 18 août 1938. I give to you assurance that the people... Je peux vous assurer que le peuple américain ne restera pas les bras croisés si le contrôle du sol canadien est menacé par un autre empire. Is threatened by any other empire. We as good neighbors Nous sommes de bons voisins et de véritables amis parce que nous restons fidèles à nos propres droits avec franchise, parce que nous refusons les torsions de la diplomatie secrète, parce que nous réglons nos différends par consultation et parce que nous discutons de nos problèmes communs dans l'esprit du bien commun. Nous cherchons à être scrupuleusement justes et utiles, non seulement dans nos relations avec les autres, mais aussi à la maison, dans nos relations avec les nôtres. Il y a beaucoup de choses dans cet extrait qu'on vient d'entendre, Stéphane Roussel. Commençons par l'engagement. Quel engagement il prend concrètement avec ce discours Franklin Roosevelt? Essentiellement, ce que dit le président américain, c'est que si le Canada est menacé ou s'il est attaqué, les Américains ne resteront pas indifférents, vont agir, vont protéger le Canada. Ce que Roosevelt dit, c'est pour, du point de vue des Canadiens, c'est pas extraordinaire. Si vous êtes menacé, nous allons aller à votre... Nous mettons notre armée à votre disposition, en quelque sorte. Oui, mais en fait, c'est pas tellement à votre disposition, tellement que nous allons venir vous aider. Ouais. Ce qu'on peut interpréter de plusieurs manières. Ouais. C'est-à-dire que oui, on peut être très heureux de recevoir de l'aide, mais il y a, si vous voulez, une menace sous-jacente là-dedans, au sens où nous allons venir vous aider. Que vous le vouliez, oui. Non. Parce qu'en même temps, ce que ça dit, c'est que si le Canada est attaqué, c'est déjà une petite lumière rouge qui clignote à Washington. Donc, d'où la nécessité pour les États-Unis de prêter main forte au Canada. Absolument. Les Américains ne font pas ça simplement par grandeur d'âme ou parce qu'ils aiment les Canadiens, parce qu'il s'agit d'abord et avant tout de leur propre sécurité. Ouais. Si les Américains défendent le Canada, c'est pour éviter qu'un ennemi, éventuellement, prenne pied sur le sol nord-américain. Bon, au-delà, ce qui est intéressant aussi dans cet extrait qu'on a entendu, c'est qu'au-delà de cet engagement... De prêter main forte au Canada si le Canada est attaqué. Il y a dans le discours, dans les mots qu'utilise Franklin Delano Roosevelt, il parle de problèmes communs, d'intérêts communs, de consultations entre les deux pays plutôt que de manœuvres diplomatiques secrètes. Est-ce qu'au fond, il n'est pas en train de définir ce que seront et ce que devraient être, mais ce que seront les relations diplomatiques entre les deux pays? Oui. D'abord, quelqu'un qui serait un peu cynique pourrait dire que c'est un langage de politicien. On enrobe un peu nos idées derrière des beaux principes. Mais dans ce contexte-là, quand on regarde la dynamique des relations canado-américaines, force est de constater que c'est effectivement la manière dont ça fonctionne, la manière dont les mots que Roosevelt emploie décrivent bien la réalité des relations entre les deux pays. Malgré... Qui est vraiment une relation particulière. Très particulière, et c'est très difficile de trouver d'autres exemples d'une telle relation dans le monde. D'abord, les deux pays sont en termes, si vous voulez, de puissance ou de capacité. C'est le rapport est de 10 contre 1 en faveur des États-Unis. Donc, ce qui signifie que les Américains pourraient imposer théoriquement, ce qu'ils veulent au Canada. Ouais. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les institutions bilatérales canado-américaines sont généralement paritaires. Elles ont le même nombre de représentants. Et le résultat des négociations, quand on regarde le résultat des discussions entre les deux pays, ce n'est pas systématiquement au désavantage du Canada. Au contraire, on peut dire que les Canadiens gagnent 50% des matchs dans leurs négociations avec les États-Unis. Ouais. Vous le disiez dès le départ, ce serment de Kingston, c'est deux choses. C'est le discours de Roosevelt, c'est la réponse du premier ministre King. Elle viendra quand, cette réponse? Et surtout, de quelle teneur sera la réponse de King? Voilà, ça, c'est un élément qui constitue la deuxième partie du serment de Kingston. Et je vous la lis très, très rapidement. King dit, deux jours plus tard, donc ce qu'on appelle le discours de Woodbridge, il dit « Nous aussi, nous avons des obligations à titre de bons voisins. Et l'une d'elles consiste à veiller de notre propre initiative que, l'occasion survenant, nulle force ennemie ne puisse attaquer les États-Unis par terre, par mer ou par air en passant par le territoire canadien. » Donc, fin de la citation. Ce que dit King ici, c'est « Nous allons prendre les mesures nécessaires pour éviter que des ennemis des États-Unis opèrent à partir du territoire canadien. Ouais. Nous ne voulons pas être un problème de sécurité pour les États-Unis. Parce que, d'une part, en prenant nous-mêmes les mesures pour se protéger, on évite l'aide américaine. Ouais. C'est un peu le principe que les étudiants en politique étrangère canadienne appellent le « defense against help » ou la défense contre l'aide. Si nous nous protégeons nous-mêmes, nous n'aurons pas besoin de cette aide américaine qui pourra peut-être être un peu encombrante. Ouais. Ça arrive dans quel contexte? Pourquoi, en 38, ces deux hommes, Roosevelt et King, décident de faire cette promesse, au fond, d'entraide mutuelle sur le plan militaire? Il y a trois éléments qu'il faut garder à l'esprit. D'abord, le Canada est toujours très proche de l'Angleterre. Il est membre de l'Empire britannique, mais depuis 1931, le Canada est formellement indépendant. Il a la capacité de faire ses propres traités. Il a la liberté de déclarer la guerre sans nécessairement devoir suivre Londres. Et donc, il s'éloigne graduellement de l'Angleterre. Deuxième élément du contexte, il faut savoir que jusqu'à la fin des années 30, il n'y a à peu près aucune relation entre le Canada et les États-Unis. Les deux sociétés se parlent. Il y a énormément d'immigration. Les États-Unis sont sur le point de devenir le premier partenaire économique du Canada. Mais les deux gouvernements se parlent très, très peu. Il n'y a pas encore d'ambassade canadienne à Washington. Il y a une légation, mais ce n'est pas une ambassade. Ouais. Et de même, il n'y a pas encore d'ambassade américaine à Ottawa. Donc, le serment de Kingston marque une étape majeure parce que là, on commence à établir des relations qui n'existaient pas jusque-là. Troisième élément du contexte, tout le monde sait à peu près à ce moment-là qu'on s'en va vers la guerre. Ouais. La guerre est imminente, les tensions internationales s'accumulent tant en Asie-Pacifique qu'en Europe. Et donc, les deux gouvernements savent bien qu'on va faire face à une crise majeure bientôt. Et quelque part, c'est vraiment à l'avantage des Canadiens d'avoir commencé à discuter avant la guerre plutôt que pendant. Ce qui aurait été beaucoup plus difficile, les négociations auraient été autrement plus difficiles. Parce qu'au fond, déjà, on peut dire que ce que ça implique tacitement, ce serment Kingston, pour le Canada, en tout cas, on y gagne. Là. On vient d'améliorer notre niveau de défense et de sécurité considérablement. Absolument. D'abord, on peut dire, en partant, le Canada est un des pays qui est le plus en sécurité au monde. C'est pas le pays le plus en sécurité. D'abord, la géographie le met à l'abri de la plupart des attaques qui pourraient survenir. Son seul adversaire possible, qui était en fait la menace qui planait sur le Canada jusqu'au tournant du 20e siècle, c'était les États-Unis. Or, maintenant, ce voisin qui est bienveillant, mais plus que ça, il s'engage à protéger le Canada. Donc, le niveau de sécurité des Canadiens est rare. On peut rarement trouver des situations aussi favorables. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, en revanche, une faille, un danger, c'est que on cède, je reviens un petit peu à ce que René Lévesque évoquait dans l'extrait qu'on a entendu au début de l'émission, mais oui, on est mieux protégé, mais on cède une partie de notre souveraineté nationale parce qu'on laisse les Américains, on doit au moins les consulter, disons ça comme ça, sur ce qu'eux considèrent comme étant une potentielle menace à notre propre sécurité et donc à leur sécurité. Tout à fait. Et ça, c'est une des conséquences logiques du serment de Kingston, c'est que les Canadiens acceptent d'une certaine manière acceptent carrément de s'aligner sur les politiques de sécurité de Washington. Essentiellement, on dit aux Américains, nous allons prendre les moyens pour nous protéger, nous, Canadiens, et protéger le territoire canadien contre les menaces qui pourraient être dirigées vers les États-Unis. Donc, ça signifie premièrement qu'on abandonne aux Américains le pouvoir de décider qu'est-ce qui est une menace. On doit tenir compte de ce que les Américains disent. Et deuxièmement, on abandonne aussi en grande partie la possibilité de discuter ou de débattre des moyens de se protéger contre cette menace. Au mieux, ce qui reste aux Canadiens, c'est le fait de pouvoir la possibilité de pouvoir discuter les détails de la mise en œuvre de ces moyens. Mm-hmm. Donc, on peut, si vous voulez, argumenter sur quelques détails, mais en bout de ligne, on doit tenir compte de la définition des menaces et des moyens de s'en protéger, tel que Washington le conçoit. L'engagement moral, il est donc pris en 1938. Il va falloir attendre 1940 pour qu'il y ait un cadre plus formel qui soit établi entre les deux pays. Quelle forme va prendre ce cadre, Stéphane Roussel? Août 1940, donc deux ans presque jour pour jour après la déclaration de Kingston, on est dans une période de crise aiguë parce qu'on pense même à l'été 1940 que l'Angleterre est sur le point de capituler face à l'Allemagne. Et dans ce contexte-là, Roosevelt et King vont se rencontrer dans la petite ville d'Ogdensburg, qui est juste près de la frontière, dans l'État de New York, près de la frontière canadienne, et vont mettre en place une institution qu'on appelle la Commission mixte canado-américaine de défense, mieux connu sous son acronyme anglais, le PJBD, le Permanent Joint Board on Defense. Et essentiellement, ce dont il s'agit, c'est une réunion de représentants du Canada et des États-Unis, des militaires, des diplomates, où l'on discute des problèmes de sécurité de l'Amérique du Nord, des problèmes de sécurité communs, et on fait des recommandations au gouvernement que ceux-ci sont libres d'appliquer ou non. Donc, c'est pas une alliance, c'est pas une institution, si vous voulez, très rigide. Au contraire, c'est la flexibilité qu'évoquait Roosevelt dans son discours. Ouais, les pourparlers entre les deux pays, l'aspect négociation... 57, nouvelle étape importante. René Lévesque en parlait aussi, le fameux NORAD. Dans quel contexte est créé NORAD et pourquoi on le crée? La défense de l'Amérique du Nord va évoluer au cours des années qui suivent donc la Deuxième Guerre mondiale. Et le NORAD, dans le fond, c'est un commandement conjoint pour la défense aérienne au début, et on va ensuite l'étendre à l'élément aérospatial. Donc, un commandement conjoint des mesures de défense de l'Amérique du Nord contre une attaque aérienne qui viendrait de l'extérieur. En d'autres mots, ce qu'on fait, c'est qu'on place une partie de l'aviation canadienne qui serait chargée d'intercepter des bombardiers soviétiques sous commandement américain. Parce que le NORAD est un commandement qui est toujours dirigé par un Américain et qui est secondé par un Canadien. Et c'est cette intégration. Donc, en fait, NORAD marque un élément important dans l'intégration parce que pour la première fois, on fait une brèche dans un principe qui était sacro-saint jusque-là, celui que les forces en territoire canadien doivent être sous contrôle canadien. Or, on abandonne ce principe. On touche donc, puis on y revient à ce fameux extrait de René Lévesque, on touche à cette question d'abandon d'une partie de notre souveraineté nationale. Évidemment, ça passe pas inaperçu, cette cession d'une partie de notre pouvoir quand on adhère à NORAD. Écoutez, quelques années plus tard, en 1961, le ministre associé à la Défense nationale, Pierre Sévigny, qui doit toujours, donc quelques années plus tard, nous dire pourquoi c'est important NORAD et que non, il n'y a pas de problème d'indépendance du Canada. Je considère que le NORAD est une institution absolument nécessaire à la défense du continent nord-américain. À un âge où les avions et les missiles circulent à des vitesses qui dépassent les 1000 milles à l'heure, il est nécessaire de considérer que les frontières géographiques ont disparu. Et il est essentiel de considérer le continent nord-américain comme un tout. Et c'est ce qui explique l'action conjointe des États-Unis et du Canada dans cette formation appelée NORAD. Et il est absolument faux de prétendre que c'est le Pentagone américain qui contrôle les décisions canadiennes, et il est également faux de prétendre que le Canada joue un rôle qui rend celui des Américains assujettis à ces décisions. J'insiste pour affirmer que cette association du NORAD est une association à parts égales des États-Unis et du Canada et que nous ne perdons rien de notre souveraineté dans cette association. Dans les faits, qu'en est-il, Stéphane Roussel? Il y a une perte de souveraineté pour le Canada dans la mesure où le gouvernement canadien accepte qu'une partie de ses forces armées, l'aviation notamment, soit placée sous commandement américain. Mais il faut quand même dire qu'il y a toute une série de mesures qui empêchent les excès ou les débordements, notamment le fait que ce soit un Canadien qui soit le commandant en second du NORAD. Et il y a toujours une possibilité pour le Canada de refuser ou de discuter, de négocier les mesures qui l'arrangent le moins. Donc, tout est établi, le serment, les mécanismes qui vont le mettre en œuvre, NORAD qui se rajoute à 157. Comment, concrètement, va s'exprimer l'application de ce serment de Kingston tout au cours du 20e siècle? Ça commence évidemment tout de suite avec cette collaboration entre le Canada et les États-Unis durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le début. Oui, il y a, dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a toute une série, en fait, parce que les États-Unis arrivent en guerre 2 ans après le Canada, les Américains entrent en guerre en 1941, à la fin 1941, il y a toute une série de mesures qui vont être mises en œuvre pour la défense de l'Amérique du Nord, et en fait, même jusqu'à un point où les Américains vont être en très grand nombre en territoire canadien, au sommet de leur présence, je pense qu'il y a 33 000 militaires américains en territoire canadien. Donc ça, c'est une conséquence concrète, si vous voulez, de ça. Au cours de la guerre froide, c'est non seulement la création du NORAD, mais c'est aussi la création des lignes radar dans le Grand Nord canadien pour éventuellement détecter une attaque soviétique. Donc, et plus récemment encore, ce serait le périmètre de sécurité nord-américain ou la lutte contre le terrorisme, dans lequel les Canadiens prennent des mesures contre le terrorisme qui visent plus à éviter que des terroristes agissent aux États-Unis qu'ils agissent au Canada. Oui, c'est un très, très bon exemple de l'esprit de ce serment et des attentes qu'ont les Américains par rapport à cette fameuse « entente », entre guillemets. Parce qu'il y a des moments de crise au cours de l'histoire où l'une ou l'autre des deux parties, des deux pays, tourne presque le dos au serment de Kingston. Oui, il y a des moments où les circonstances font qu'on tend à oublier les termes de ce serment. 1962, la crise des missiles de Cuba, le gouvernement Diefenbaker, qui se méfie beaucoup des Américains, refuse de mettre les forces canadiennes en alerte, alors que les forces américaines, elles, sont en alerte maximale. Et ça va être très mal perçu à Washington. On a l'impression que l'allié canadien laisse tomber les États-Unis au cours de cette crise-là. Parce que les États-Unis sont potentiellement menacés par cette crise des missiles, ce qui ne sera pas le cas. Et là, on est donc dans l'esprit du serment de Kingston. On aurait dû probablement les soutenir. Mm-hmm. Ce qui ne sera pas le cas du Vietnam, par exemple, où c'est les Américains qui mènent une guerre, mais qui ne menacent pas leur territoire. Exactement. Et là, il faut bien s'entendre ici. Le serment de Kingston et les accords canado-américains ne prévoient pas, si vous voulez, d'engagement du Canada dans les guerres extérieures. Il s'agit essentiellement de la défense du continent nord-américain. Donc, il n'y a aucune obligation pour les Canadiens de suivre les Américains au Vietnam, ou en Irak encore. Si les Canadiens ont décidé d'aller en Afghanistan, c'était de leur propre chef. Ce n'est pas dans le cadre des accords nord-américains. C'est beaucoup plus dans le cadre de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, ouais. qui est un cadre totalement différent. On arrive au fameux 11 septembre 2001. Ce sera évidemment une charnière importante. C'est intéressant cet exemple-là parce que la première réaction du Canada, évidemment, c'est de prêter secours aux Américains. Il y a des avions qui vont atterrir au Canada. Et c'est ensuite aussi de dire, oui, nous serons avec vous dans cette guerre en Afghanistan. Ça, c'est la première étape. Puis il y aura ensuite la deuxième étape où la guerre d'Irak va se présenter. Mm-hmm. Et là où le même Jean Chrétien qui dit « Nous sommes avec vous », le 11 septembre 2001 va dire « Non, nous, on ne va pas en Irak ». Que dire du 11 septembre et des suites du 11 septembre par rapport à l'esprit de ce serment de Kingston? D'abord, il faut bien voir que le 11 septembre, c'est une attaque contre le continent nord-américain. Ça se produit en territoire américain. Et à ce moment-là, les termes, si vous voulez, des ententes formelles et informelles entre les Canadiens et les États-Unis s'appliquent. Donc, que le Canada appuie les États-Unis n'a absolument rien d'étonnant. Il faut aussi se rappeler ce qu'on appelle au Canada l'effet 12 septembre, c'est-à-dire que ce qui va suivre dans les jours, les semaines, les mois, les attaques du 11 septembre, c'est que la frontière va subitement devenir beaucoup plus étanche. C'est beaucoup plus difficile de traverser la frontière canado-américaine avec des conséquences catastrophiques pour l'économie canadienne. Donc, dans ce cadre-ci, il s'agit de voir que les mesures que les Canadiens vont prendre pour lutter contre le terrorisme vise d'abord et avant tout à rassurer les Américains pour leur dire que le Canada n'est pas un sanctuaire pour les terroristes, mm-hmm. le Canada, ce n'est pas une passoire. Et donc, vous pouvez ouvrir la frontière et vous pouvez laisser le libre commerce se dérouler. Et puis, il y aura concrètement, encore une fois, au moment des événements, une assistance directe. On va accueillir des avions. Le jour du 11 septembre, c'est le Canadien qui est en poste au NORAD ce jour-là. L'Irak, comment interpréter ce refus dans l'esprit du serment de Kingston, ce refus canadien de participer à la guerre d'Irak? D'abord, l'Irak est un engagement extérieur, donc la logique ne s'applique pas tant ou si longtemps qu'on sort du continent nord-américain. Mais le refus du Canada de suivre les États-Unis en Irak a ceci d'extraordinaire qu'il montre que, contrairement peut-être à ceux qui s'inquiètent beaucoup pour la souveraineté canadienne, le Canada a toujours le loisir de dire non, même quand c'est le dossier prioritaire sur le bureau du président, comme c'était sur le bureau de George W. Bush à ce moment-là. Les Canadiens ont quand même dit non. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de conséquences majeures. On craignait qu'il y ait des retombées sur l'économie canadienne, mais non. Ce refus de suivre les Américains en Irak n'entraînera pas de représailles. Puis ça montre qu'il y a deux voies aussi. Il y a cette relation particulière avec les États-Unis, mais il y a aussi, puis c'était la logique de Jean Chrétien sur l'Irak, la voie multilatérale, celle qui passe par les Nations Unies. Et ça a toujours fait partie de la stratégie canadienne aussi, pour parfois éviter de se retrouver seul avec les États-Unis dans un contexte où les Canadiens sont désavantagés, bien mieux vaut aller en groupe, mieux vaut aller aux Nations Unies, à l'OTAN ou d'autres organisations comme celle-là. Stéphane Roussel, directeur du CIRIC à l'École nationale d'administration publique, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.